Don't stop music. Les estivales de l'été, Mickaël H, le meilleur de la scène trance progressive. Et tout à l'heure, ce sera un rétro et un house avec l'ami Alex Keia et Dust on Galaxy. DJ Michael H sur Galaxy. We'll be right back.

KLH sur Galaxy. Radio Galaxy. Galaxy. sur Galaxy. Michael H. sur Galaxy. Thank you. Galaxy. Michael H. Mickaël H sur Galaxy. Radio Galaxy. sur Galaxy. Radio Galaxy. Oh, sur Galaxy. Galaxy. Cette France est progressive sur Galaxy avec l'excellent Mickaël H, que vous pouvez retrouver régulièrement le dimanche sur Galaxy, bien sûr. 14h-13h, fréquence 9530. Les estivales de l'été, seconde partie avec un direct. Le tandem, le duo, quasiment les inséparables. Le meilleur de la scène, Retro House, en compagnie de DJ Dust, mais aussi Alex Keya sur Galaxy. Vous les retrouverez également en lieu et place demain, ce sera de 14h à 16h. Samedi, ce sera encore le cas pendant deux samedis d'affilée. Grand moment à ne pas rater en session rétro, donc le samedi soir, Dust et Keya. Et puis, on retrouvera Alex Keya en compagnie de Samuel Sanders et Frank J pour le Hard Groove Mix. Là, c'est carrément ce soir, hein, pour bien démarrer le week-end ou bien terminer la semaine, 23h-1h. On les retrouve juste après toute l'info près de chez vous. Grand tournoi de site, football en salle, ce samedi 1er juillet à Bray-sur-Saône. Une journée de découverte ouverte à tous, organisée par l'AAE Football et dotée de nombreux prix pour les meilleures équipes participantes. Du 1er juillet au 20 août, manifestation Les Beaux Dimanches du Mont Noir, organisée par le CSE d'Hazebrouck. Spectacle gratuit chaque week-end de l'été, avec du cirque, acrobatie et des clowns en veux-tu en voilà. Programmation complète 03 28 49 51 30 ou sur cg59.fr. Exposition Figure de clown du 1er juillet au 26 août inclus à la bibliothèque municipale de Waterloo. Une évocation de l'histoire des clowns à travers des documents hauts en couleur, photos, costumes, jouets anciens, bronze ou accessoires. Entrée libre, horaire d'ouverture 03 20 81 66 38. Exposition L'histoire du stade Amédée Prouvot, actuellement et jusqu'au 31 août au musée des arts et traditions populaires de Waterloo. Dès les années 1920, le stade faisait partie des plus beaux stades de France. Une épopée racontée par Francis Boé à travers cette exposition de photos et d'objets sortis de leurs archives. Après cette évocation du passé, venez découvrir le projet de la nouvelle cité des sports prévu dans le cadre de la rénovation du quartier du Crétinier. Retrouvez toutes ces informations et bien d'autres encore sur galaxyfm.com. Galaxy.